inscris dans le temps des rendez-vous. Des jours de joie, des jours de feu. Tu invites ton peuple à s'assembler pour se souvenir devant Dieu. Tu sépares le travail du sacré. Tu ouvres des temps pour célébrer. Car l'homme n'est pas fait pour courir sans fin, mais pour s'arrêter et glorifier. Tu appelles au repos, tu appelles à la joie. Tu rappelles à ton peuple que le temps est à toi. Ce sont les fêtes de l'Éternel. L'espérance, la moisson chante ton retour. Et dans chaque saison de la vie, tu graisses une table d'amour. Tu rythmes nos années, tu éclaires nos saisons. Et dans chaque fête, tu rappelles ta fidélité à ta maison. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Il réveille l'espérance. Il annonce au milieu du peuple la miséricorde et la délivrance. Les trompettes ouvrent le chemin. Les cabanes rappellent le désert. Et même dans nos traversées, tu plantes la joie dans la poussière. Ce sont les fêtes de l'été.